On continue ensemble dans l'évangile de Marc. Encore une fois, quand vous venez ici, sauf de temps à autre, peut-être aux 6 semaines, lorsqu'on prendra communion ensemble, vous savez à quoi vous attendre. C'est comme aller dans un bon restaurant italien qui est là depuis 75 ans. Vous savez que le cuisinier, que la famille, que les gens qui sont là vont vous servir un repas qui est fait avec amour et qui est fait à base des mêmes ingrédients. Hein, les pâtes, les boulettes de bœuf, de veau, peut-être des bonnes pizzas. Et puis, vous savez, et on aime ça. On aime ça pour trouver des endroits où on sait ce qu'on va manger. Ah, le bon goût, moi, j'ai quelques endroits que je connais. Je retourne tout le temps. Et si ça n'a pas changé, 15 ans plus tard, voilà, ils ont gagné. Ils ont gagné mon vote. Si ça change, à ce moment-là, moi, je vais ailleurs. C'est souvent comme ça. On veut s'accrocher à des choses. Dans le cas de la parole, on ne peut pas se tromper. C'est toujours les ingrédients parfaits. Alors, on est difficile de reconstruire, de refaire un menu, et on est toujours satisfait à la fin du repas. Une femme, parlant de repas, de nourriture, une femme qui cuire sa première dinde pour l'action de grâce. Moi, je suis mariée américaine, alors l'action de grâce américaine, c'est très important. On va aller aux États-Unis visiter sa famille, de même qu'Albert et France allaient visiter partie de votre famille aussi. Alors, cette dame cuit une dinde pour la première fois. Avant de la servir, elle dit à son mari et à son fils, « Bon, je sais que c'est la toute première fois que je prépare une dinde. Si ce n'est pas bon, je ne veux rien entendre. On se lèvera simplement de table, en silence, et on ira tous ensemble manger au restaurant en ville. » Bon, ça a du sens. Alors, elle retourne à la cuisine. Le père et le fils, à ce moment-là, eux, attendent. Lorsque, 20 minutes plus tard, elle revient avec la dinde sur un beau plateau d'argent, une belle dinde rôtie qui me semble tout à fait délicieuse, elle entre dans la salle à manger et le fils et le mari sont assis, très gentiment, chapeau sur leur tête, le manteau au cou, les gants dans les mains. Voilà leur foi. Pour eux, c'était clair que ça n'allait pas être mangeable, cette dinde-là. Ils n'avaient aucune confiance que la maman était capable de préparer une dinde correctement. Alors déjà, on voit que dans la parole, qui est une parole qui ne parle que de ça, qui ne parle que de la foi, on voit qu'il y a des êtres qui sont marqués par le doute, marqués par le doute. Sur ce, prions pour nos propres doutes, pour nos propres questions. Seigneur, on vient à toi, on continue à découvrir les apôtres, les 12 disciples que tu as choisis. Montre-nous encore une fois qui ils sont et comment on peut associer leur vie à notre vie, comment on peut être transformé par leurs erreurs et nous-mêmes avancer au-delà de leurs limites. C'est en ton nom, le nom de Jésus-Christ, que nous prions. Amen. Alors, nous sommes dans Marc, chapitre 3, verset 13. Marc 3, 13. Alors évidemment, quand je parle du doute, vous savez de qui je parle. C'est bien clair. Marc chapitre 3, verset 13, c'est Thomas le douteux. Thomas rempli de doute. Alors, on voit ici verset 13 de Marc 3. Il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut et ils vinrent à lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher, avec le pouvoir de chasser les démons. Marc, chapitre 3, verset 16. Il établit les 12, Simon qui surnomma Pierre, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le surnom de Boanerges, qui signifie fils du tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas. Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon, le Cananite, et Judas Iscariot, celui qui livra Jésus. Alors Thomas, on pense tout de suite au doute. Hein? Ça a été, c'est son trademark, c'est sa marque de commerce. Thomas, c'est le doute. Le doute, ça vient d'où? Le mot doute vient du latin dubitare. Dubitare en latin, qui vient lui-même d'un mot allemand, qui veut simplement dire quoi? Deux. Deux. Le doute, et d'ailleurs c'est intéressant, doute, deux, on voit peut-être une racine similaire, c'est le double. C'est le double. C'est être dédoublé dans sa pensée. Hans Guinness, qui est un auteur anglais d'Angleterre, qui est un philosophe, je pense qu'on en a déjà parlé, dans son livre God in the Dark, dit « Le cœur du doute est un cœur divisé. » Le cœur du doute est un cœur divisé. Et on sait qu'on vit dans une communauté, une société, où c'est cela qui marque notre monde, un cœur divisé. Le mot « doute » est traduit par 5 différents mots grecs en grec. 5 différentes façons. Le mot le plus fort, qui est le mot ici employé, c'est « dipsoukos ». Dipsoukos, qui est avoir l'esprit double de façon chronique, constamment en train de se demander. Constamment en train de se demander. Ça, c'est Thomas. C'est intéressant dans le livre de Jacques, vous savez tous ce passage-là, Jacques 1. « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous libéralement. Hein? » Il nous dit de demander la sagesse et sans faire de reproche, il lui sera donné. « Mais qu'il la demande avec foi, la parole dit, sans douter. Car celui qui doute, écoutez ça, est semblable au flot de la mer que le vent agite et soulève. » Donc c'est là qu'on voit le plus de doute. En constamment en mouvement, incapable de prendre position. Vous en connaissez des gens comme ça? Moi, c'est drôle, quand j'étais tout jeune, j'étais reconnu comme celui qui était incapable de prendre des décisions pour choisir justement au restaurant mon menu. Ma famille pourrait attester de cela. « Je vais prendre un hot dog. Non, un hamburger. Non, un pizza. » Et puis le serveur, puis souvent, je prenais ma commande, je me levais plus tard pour aller changer ma commande. Il était trop tard. Alors, bon, c'est pas grave quand c'est pour des hot dogs et des hamburgers, mais quand c'est ta vie, quand c'est tes choix fondamentaux, à ce moment-là, ça change beaucoup. Un tel homme ne pense pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Donc ça décrit un peu Thomas. Thomas, inconstant dans toutes ses voies. Ce qui est intéressant, tout de même, c'est que quand tu regardes la vie de Thomas, c'est pas juste un homme de doute. C'est pas juste un homme de doute. En fait, c'est un des disciples qui démontre le plus de foi. Le plus de foi. On va regarder ensemble dans Jean 11. Et je me lève, parce que je me sens écrasé sur cet majestueux endroit. Jean 11, verset 11. Alors, ce qu'on fait, évidemment, quand on étudie un personnage dans la Bible, on ne fait pas juste essayer de deviner qui il est. On va voir ce que la Bible nous dit dans le livre de Jean, verset 11. Le chapitre 11, pardon. Alors, on voit un des passages importants qui nous parle de Jean. 11, 11. Après ces paroles, il leur dit, alors là c'est Jésus qui parle à ses apôtres et qui explique la mort de Lazare. Il leur dit, Jean chapitre 11, 11, « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je pars pour le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. » Jésus avait parlé de sa mort, mais eux pensèrent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. Et pour vous, je me réjouis de n'avoir pas été là, afin que vous croyiez. » Mais allons vers lui. Alors, sur ce, Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons nous aussi, afin de mourir avec lui. » Afin de mourir avec lui. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne parle pas d'aller mourir avec Lazare ici. On parle d'aller mourir avec Jésus. Parce que cette scène-là se passe tout près de Béthanie. Béthanie, c'est une petite ville près de Jérusalem, c'est une banlieue de Jérusalem. Les apôtres savaient tous que lorsque Jésus retournerait près de Jérusalem, il risquerait sa vie. Parce que les gens, évidemment, les forces au pouvoir voulaient se débarrasser de Jésus. Donc, Thomas, tout de suite, il se dit, si on retourne à Béthanie, Jésus va se faire prendre. Il va mourir et allons avec lui pour mourir avec lui. Intéressant. Avez-vous déjà remarqué que ça, c'est pas le discours de quelqu'un qui est rempli de doute. C'est le discours de quelqu'un qui est prêt à mourir pour celui qu'il aime. Mourir pour celui qu'il aime. C'est bien intéressant. En même temps, c'est intéressant, on voit que Thomas est très pessimiste. Bon, on va y aller, on va mourir, c'est ça le deal. En connaissez-vous des chrétiens comme ça? Ah oui, des chrétiens qui... Leur vision, c'est la fin du monde, c'est la douleur, c'est la souffrance. Ah, vous êtes chrétien, ça va être dur. Oui, ils ont raison, mais c'est leur angle, le verre à moitié plein versus à moitié vide, c'est typique. Thomas, lui, on va mourir. Mais au moins, ce qui est incroyable, c'est que parce qu'il est pessimiste, il voit la pire situation possible. Ça veut dire qu'il devait faire preuve de courage pour y aller. Parce que s'il était optimiste, oh, on va y aller, ça va être un beau voyage, on va sauver Lazare, puis on va revenir. Non, comme il est négatif, il se dit, on va mourir, et il est prêt à y aller, puis même, il encourage les autres disciples à aller avec Jésus. Donc, on voit quelqu'un, quand même, qui fait preuve de foi, qui fait preuve de foi. Vous savez, le doute, ce n'est pas l'incrédulité. Ce n'est pas la même chose. Parce que le doute fait qu'on est divisé. L'incrédulité, on n'est plus divisé. On a fait un choix. Je choisis de ne pas croire. Le doute, c'est lorsqu'on a un pied dans la foi ou dans la possibilité de la foi et un pied dans l'incrédulité. Notre communauté, ça se catégorise de cette façon-ci, agnostique et athéiste. Au Québec, en grande majorité, c'est de l'agnosticisme. C'est des gens qui ne savent pas, qui ont un peu de zazen, un peu de recherche personnelle, un peu de bouddhisme. Bon, Dieu, oui, s'il va t'aider. Bon, Jésus, c'est un grand penseur. Mais ils ne savent pas, donc ils ne prennent pas de position. Moi, je ne crois en rien, il n'y a rien, je meurs et c'est la fin. Certains, évidemment, à Montréal, on en a vu, des gens qui sont durs, qui sont décidés à ne pas croire. Eux ont choisi. La plupart de vos compagnons, de vos amis, de vos connaissances n'ont pas choisi. C'est dans ce doute-là qu'on peut les rejoindre pour Christ. C'est dans ces doutes-là. Donc, si le doute nous donne accès à celui qui est agnostique, pourquoi nous, est-ce qu'on n'aurait pas le droit d'avoir des doutes? Ah non, là, si vous êtes chrétien, vous ne pouvez pas douter. Mais non. C'est dans le doute qu'on grandit. C'est dans le doute, c'est lorsqu'on se frappe les murs sur des théologies qu'on ne comprend pas, quand on se frappe la tête contre la souffrance de nos propres vies, vos parents, vos amis, vos enfants souffrent. Et c'est là qu'on se dit, mais pourquoi un Dieu permet cela? Pourquoi le Dieu que j'aime? C'est dans ce doute-là que vous allez grandir. Donc, permettez-vous de douter. Permettez-vous de douter. Non, non, non. Si tu es un chrétien, tu ne doutes pas. Si vous faites ça à vous-même, vous limiterez votre capacité de grandir. Vous limiterez votre capacité de grandir. On regarde un autre passage sur la vie de Thomas. Jean 14. Jean 14, versets 1 à 4. Jean 14. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi, Jésus dit. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, sinon je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Donc, si je m'en vais et je vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et où je vais, vous en savez le chemin. Évidemment, regardez qui parle. Thomas. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas, nous ne savons où tu vas. Comment en saurions-nous le chemin? Intéressant. Thomas, comme les autres disciples, ne comprenait pas. Il ne comprenait pas ce que Jésus essayait de leur expliquer depuis 3 ans. Imaginez-vous, comme j'ai dit la semaine passée, les apôtres, les disciples sont dans la présence de Christ à la journée longue. Nous, on lit des petits livres qu'on achète, on lit un peu la parole, on prie un peu. Mais là, les disciples étaient dans la présence de Jésus-Christ et eux-mêmes ne comprenaient pas son plan. Alors, attendez-vous pas à avoir une révélation miraculeuse qui fait que vous comprenez tout. Et on voit que Thomas lui-même ne comprend pas. Mais il dit, mais il demande très naïvement, mais on ne sait pas où tu vas. Si on savait, il me semble qu'on pourrait te suivre. C'est naïf comme question. C'est à la limite, Jésus aurait pu dire, ah, Thomas, arrête. Pourquoi tu ne comprends pas? Tu es un petit peu débranché. Mais regardez, cette question-là de Thomas, regardez ce qu'elle amène comme réponse. Verset 6. Jésus lui dit. Il dit, ça ne dit pas, Jésus lui dit avec colère et dégoût. Jésus lui dit, « Moi, mon cher Thomas que j'aime, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Nos questions les plus idiotes vont donner à Christ l'occasion de répondre les choses les plus merveilleuses. Nos réponses et nos questions les plus vulnérables, « Mais pourquoi, Seigneur? Pourquoi c'est dur? Pourquoi je ne comprends pas? » vont permettre à Christ de se révéler à vos vies personnelles. Comme par chance que Thomas a demandé cette question. Ou sinon, cette réponse merveilleuse qu'on utilise justement avec les gens de Montréal, si Thomas n'avait pas demandé, est-ce que Jésus aurait répondu cette expression merveilleuse de sa divinité? Donc, permettez-vous de douter, et permettez-vous de poser des questions. Ensuite, écoutez, comme Thomas l'a fait, il a écouté. Il a écouté. Ensuite, on poursuit dans Jean 20, 24. Jean 20, 24. Chapitre 20, verset 24. Et là, évidemment, c'est le passage qu'on connaît tous. Le passage où on voit Thomas faisant face à la mort de Jésus et où on voit son incrédulité s'exprimer à son apogée. Thomas, appelé Didyme, l'un des douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, Thomas, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, et debout au milieu d'eux, il leur dit, « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance aussi ta main, et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Alors évidemment, Thomas est déchiré. Comme les tous les autres apôtres, Thomas est déchiré d'avoir perdu son Seigneur. Et lui, malheureusement, ça vous est tous arrivé, il a manqué la première venue de Jésus. Il n'était pas là. Alors, oh, il a manqué ça. Alors évidemment, tout le monde lui dit, « Jésus est revenu, Jésus est revenu. » Sauf que lui, évidemment, faisant face à ses propres doutes, « Je n'y crois pas tant que moi-même, je ne l'aurais pas vu, je ne l'aurais pas touché. » On est un peu comme ça. Il y a des gens qui nous ont parlé de Jésus avant que vous deveniez chrétien. Vous vous souvenez-vous? Il y a des gens qui nous ont dit, « Ah, moi, Dieu a changé ma vie. » « Oh, ben tant mieux pour toi. Si ça marche pour toi. » Bon, certains d'entre nous sont venus au Seigneur plus tard, certains d'entre vous plus jeunes. Mais plus on vient au Seigneur tard, plus on a eu l'occasion de dire, « Bon, peut-être, mais tant que moi, je n'aurais pas vu. » Lorsque nous-mêmes ayons senti la main de Dieu dans notre vie, à ce moment-là, on l'a senti, on l'a vu le trou, on l'a vu la souffrance de Christ, on a soudainement, on croit, parce qu'on a nous-mêmes touché à la grâce de Christ. Donc, si nous-mêmes, on avait besoin d'attendre cela, on peut imaginer que Thomas, comme nous, voulait vraiment voir Christ dans sa vie. Regardez comment Jésus est tendre. Jésus est tendre. Encore une fois, il ne dit pas, « Thomas. » Tout le monde croit sauf toi. Ce n'est pas le cas. Tous les autres apôtres étaient moins vocaux sur leurs doutes, mais Thomas et les autres apôtres avaient tous les mêmes doutes. Et d'ailleurs, il y a une recherche, je voulais vous épargner le temps, mais on voit que tous les apôtres, Jean et Pierre, lorsqu'ils se sont rendus à la tombe et que Jésus n'est pas là, qu'est-ce qu'ils font? Ils retournent chez eux. Ils ne sont pas sûrs. Bon, peut-être. Pas clair. Ils se disent pas, « Ah, ça y est, je l'ai vu. Il y a, oui, je suis sûr. Ah, amen. » Non, il y a des doutes. Tout le monde, tous les apôtres font face à ces doutes-là. Mais regardez dans le verset 27, comment Jésus est tendre. Il dit simplement, il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. » Il est comme avec un enfant. Un enfant nous demande d'être là pour lui, de répondre aux mêmes questions encore et encore et encore. Et des fois, en tant que père, je le vois bien, je me choque. « Ah, arrête, Jude! Ben oui, tu le sais. Non, je t'ai dit non. » Mais souvent, par la grâce de Dieu, je t'ai dit, « Ici, mon amour, je vais t'expliquer encore pour la 100e fois que non, il ne faut pas faire ça parce que... » Et là, il part. Jude repart édifié, fortifié dans sa petite foi que mettre des doigts dans la prise électrique, ce n'est pas une bonne idée. Alors, quand je me fâche, lui-même se fâche, puis quand je me tourne, il veut essayer. Alors, c'est la même chose avec nous. On voit que Christ est patient face à nous, que Christ nous répond. C'est merveilleux de voir ça avec Thomas. Et là, évidemment, une des plus belles confessions de foi, c'est ce que Thomas dit. Il dit simplement, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Mon Seigneur et mon Dieu. Vous savez que ce passage-là a été utilisé pour confirmer que Jésus prétend être Dieu sur terre. Parce que souvent, les non-croyants ou les penseurs disent « Ah, mais Jésus, c'est un grand philosophe, il n'a jamais prétendu être Dieu. » Bon, ici, on lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu » et on ne voit pas la réponse qu'on aurait pu croire. Non, on ne me parle pas de Dieu, je ne suis pas Dieu, je suis un grand philosophe, tourne-toi vers Dieu. C'est pas ce qu'il dit, il reçoit évidemment l'amour en tant que Dieu. Bon, ça, vous avez entendu parler de ça. Mais ce qui me touche, c'est de voir simplement la générosité de Jésus face à ces deux pains. Non seulement ça, c'est d'accepter que Thomas doit toucher à son côté. C'est incroyable. C'est incroyable. Doutez vos doutes avant de douter vos croyances. Doutez vos doutes avant de douter vos croyances, disait Walt Ormond. C'est facile de douter à ce qu'on peut croire. Ah, oh, mais Jésus, ouais, je vois pas, ouais. Mais est-ce que vos doutes méritent d'être pris, c'est ce qu'on peut dire aux gens dans la rue? Est-ce que tu doutes de tes propres doutes? Ah non, mes doutes sont parfaits, mais comment attendre une seconde? Comment est-ce que tes doutes peuvent être hors de tout doute si le reste est doutable? Alors, c'est très logique. Doutez vos propres doutes avant de douter vos croyances. Simplement, on termine sur Thomas, sur la tradition et sa mort. La tradition nous dit que Thomas s'est rendu jusqu'en Inde, et qu'il y a une église, aujourd'hui encore en Inde, qui s'appelait Mar Thoma Church, ok, Mar Thoma, qui était dans le sud-ouest de l'Inde, où on voit encore des traces de sa venue. Bon, c'est la tradition, est-ce que c'est vrai? Pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas? Et on sait que l'Inde, aujourd'hui, est un pays quand même évidemment très, très, très mélangé spirituellement, mais il y a des milliers, des millions de chrétiens en Inde. Alors, ça a dû partir de quelque part. Aussi, on nous dit qu'il a malheureusement est mort d'une mort de martyr aussi, transpercé d'une lance. C'est intéressant qu'il serait mort de la même mort ou enfin de cet acte qui a été causé contre Jésus dans lequel lui-même voulait mettre sa main. Alors, on nous dit que Thomas est mort transpercé d'une lance. Alors, voilà la vie de Thomas. Un homme de doute, oui, comme vous et moi, mais en quelque part, qui avait la foi d'être prêt à mourir pour Christ, la foi d'être prêt à demander, est-ce que je peux toucher ton côté? Parce qu'à la limite, s'il ne croyait pas, il aurait simplement dit, non, je te vois Jésus, je ne te crois même pas. Et c'est ce que les gens font dans notre ville. Ils voient Jésus, ils voient le travail de Dieu dans leur vie. Non. Je suis un grand artiste, je vis jusqu'à 95 ans, j'ai une belle famille. Non, c'est pas Dieu. C'est en plein dans leur face. Ils ne voient pas. Ils ne sont pas prêts à mettre leurs doigts dans les trous. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent même pas prendre le risque de réaliser que, oh, ben oui, mais c'est Dieu qui m'a tout donné. Ils ne veulent pas prendre le risque parce qu'ils savent qu'il y a une chance que c'est bien au-delà de même. Thomas. Ensuite, on parle de Matthieu. Si on revient, mais pas besoin de revenir dans Marc. Le prochain personnage dans Marc 3, c'est Matthieu. Matthieu a écrit le premier évangile. Ensuite, Matthieu est un des apôtres les plus connus. Et sur ce, je vous invite simplement, si vous voulez apprendre les détails de la vie de Matthieu, vous vous souvenez, il y a quelques semaines, on a étudié Matthieu ensemble. Le 10 octobre, dans Marc 2, il y a un CD derrière que vous pouvez prendre sur la vie de Matthieu. On en parle de façon approfondie. Alors, on saute et on continue. Pour intérêt de temps. On saute à Jacques, fils d'Alphée. Alors, on est peut-être mieux de regarder dans Marc 3, assurer que je ne vous compte pas de balivernes. Marc 3, 17, 18. Alors, après Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée. On commence là à explorer les apôtres absolument inconnus. C'est les trois prochains personnages qu'on regarde, on les connaît à peine. Il n'y a rien écrit dans la parole sur eux, à part leur nom, et c'est par la tradition et par une recherche de leur nom qu'on peut avoir une idée qui ils étaient. Regardez ça. Dans Marc 15, on est dans Marc, tournons ensemble. Marc, chapitre 15, verset 40. 15-40. C'est la seule référence, si je ne me trompe pas, à notre ami Jacques ici, verset 40. Ok. Alors, verset 40, il y avait aussi, et là on parle d'un moment extrêmement triste, la mort de Jésus sur la croix. On parle des gens qui sont au pied de la croix. Verset 39, pour nous mettre dans l'atmosphère. Le centurion qui se tenait en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu. » Verset 40 du chapitre 15. Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles était Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, le mineur, et de José et Salomé. Marie, mère de Jacques, le mineur. Ce Jacques dont on parle ici, c'est le même Jacques qui est l'apôtre, qui est le même apôtre. Il est donc appelé le mineur. Bon, qu'est-ce que ça nous dit sur lui? Le mineur, donc, c'est assez évident, ou il était plus jeune que l'ensemble des autres apôtres, ou il était moins important. On voit d'ailleurs qu'on parle très peu de lui, donc il avait peu d'influence auprès de Christ, peu d'influence dans la parole, donc peut-être mineur au niveau de son influence, peut-être mineur parce qu'il était petit, on ne sait pas. On ne sait pas, même au niveau du grec, on ne peut pas déceler qu'est-ce que ça veut dire. Probablement que c'est une combinaison des trois. Petit, sans influence et jeune. Ah, bravo. Alors, est-ce qu'il aurait pu posséder des attributs importants? Bonne question. Probablement pas. Parce que s'il avait eu un attribut comme le courage, on l'aurait dit ici, la mère de Jacques le courageux. Ou la mère de Jacques le vieux ou le sage ou l'ancien. Ce n'est pas le cas, on dit qu'il est le mineur. Donc, ça définit un peu qui il était. Jeune, sans position majeure et probablement petit. Ce qui est intéressant par rapport à ça ici, c'est de voir que, OK, la mère de Jacques, on dit qui était la mère de Jacques? On dit que parmi elle est Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, le mineur. Marie, mère de Jacques, le mineur, et de José et Salomé. Il est possible ici, écoutez bien, c'est intéressant, que Jacques soit lui-même le frère de Matthieu. Le frère de Matthieu. Pourquoi? Parce que le père de Matthieu s'appelait aussi Alphée. Le père de Matthieu s'appelle Alphée. OK? Donc, peut-être que Matthieu et Jacques étaient frères. Intéressant. Puis Matthieu, on sait que c'est un apôtre de haut calibre. Donc, OK, c'est intéressant. Ensuite, on voit que Jacques, écoutez-moi bien, aurait pu être le cousin de Jésus, premier cousin de Jésus. Parce que dans Jean 19, 25, je peux vous le lire si vous voulez ou si vous avez le temps, dans Jean 19, 25, écoutez bien, on dit, près de la croix de Jésus, on parle d'un même moment, se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas. C'est la même Marie. Et c'est la sœur de la mère de Jésus. Cette femme-là, c'est la mère de Jacques. Donc, peut-être que Jacques était le cousin de Jésus. C'est possible. Ou le frère de Matthieu. Peu importe. Ce qui est intéressant, c'est de voir que on n'en parle pas. Et que Jacques, lui, n'en parle pas. Je suis le cousin de Jésus. Écoutez-moi. Donc, on parle de quelqu'un qui, ou était très jeune et ne voulait pas prendre trop de place, ou quelqu'un qui était très humble, en quelque part. Il ne voulait pas utiliser Matthieu comme la référence, Matthieu, le grand apôtre, qui écrira, bien sûr, le livre de Matthieu plus tard. Ou Jésus, je suis le cousin de Jésus. Ah oui, je suis le cousin d'un tel, et on sait comment on aime ça, faire ça nous-mêmes. Donc, c'est intéressant de voir un homme humble. Jacques, pas un grand leader, pas un homme exceptionnel, on n'en parle pas. On voit que c'est un homme qui est simple, parce qu'on ne nous dit rien d'autre sur lui. Mais qui va être utilisé de façon extraordinaire en étant un des douze. Ça veut dire que vous et moi, on peut être utilisé de façon extraordinaire, même si on est une personne relativement humble et sans importance. Et je pense que c'est tous notre cas, hein, quelque part. On est, personne de nous, on est de grands individus. Mais Dieu nous utilise dans son plan, c'est ça qui est merveilleux, de voir qu'un homme comme Jacques est tout au bas de la liste, est utilisé par Christ pour faire de grandes choses. Et on lui promet, dans Matthieu 19, qu'il sera assis à la gauche de Jésus pour juger les tribus d'Israël. Donc, c'est la même chose pour nous. On nous offre à nous de grandes choses, malgré notre grande petitesse. Hein? C'est beau. C'est beau de voir des gens comme Jacques, qui n'ont pas voulu dire, « Ah, moi, je suis le cousin, moi, je suis ci, je suis ça, je veux... » Est-ce que nous, on a tendance à vouloir toujours se remonter? Oh, je suis pasteur, moi je suis ceci, je fais des choses, c'est merveilleux. Non, laissez votre travail parler pour vous. Jacques a été fidèle. On sait que Jacques, ce n'est pas lui qui a trahi Jésus. On sait que Jacques était là jusqu'à la fin. Donc, laissez votre travail parler pour lui. La tradition, après 2000 ans, on ne sait rien. On ne sait rien comme tel de Jacques, sauf peut-être les père de l'Église, au tout début de l'Église, on dit que Jacques s'est rendu en Perse, qui est l'Iran moderne, et qu'il aurait été crucifié lui-même en Perse, en Iran moderne. C'est tout ce qu'on sait. C'est tout ce qu'on sait. Contrairement à Thomas, qui aurait eu un grand impact sur l'Inde, qui est, comme je vous dis, des milliers, des millions de chrétiens. L'Iran, au contraire, est un pays complètement abandonné par l'Évangile. Donc, alors, sait-on jamais. On continue et on fonce, car le temps file. Thaddée. Voilà. Alors, dans Marc 3, on nous parle de Thaddée. Dans Marc 3, on parle de Thaddée. Dans Luc 6 et Acte 1, on nous donne un autre nom pour Thaddée. Alors, tous ces noms-là, ça nous mélange, on ne sait plus qui ils sont, mais quand on fait une recherche, on les remet ensemble. OK, lui, Thaddée, c'est le même qu'on voit dans Acte 1, c'est Jude. Ah, c'est un beau nom, j'aime ça. Jude, moi-même, j'en avais aucune idée quand j'ai nommé mon fils, je savais simplement le frère de Jésus, mais j'avais aucune idée que c'était un des apôtres. L'apôtre Thaddée s'appelle aussi Jude, fils de Jacques. Jude, fils de Jacques. OK? Alors, ça se retrouve dans Luc 6 et Acte 1, où on nous parle de Jude, fils de Jacques, qui est le même que Thaddée. Alors, on dit probablement que son nom d'origine, c'était Jude. OK? C'était Jude. Et que Thaddée, c'est devenu une description de qui il était. Alors là, on connaît rien sur Thaddée. On connaît rien. Il y a une petite référence sur lui, mais c'est tout. C'est très, très court. Mais Thaddée, le mot Thaddée veut dire quoi? Regardez ça. Ça veut dire enfant du Saint, enfant du Saint maternel, enfant du Saint. Nous indiquons peut-être que c'était peut-être le jeune ou le dernier venu de sa maman, qui était un peu le bébé de la famille, qui était toujours en train de dire à Jésus, puis les apôtres, attendez, je vais aller appeler ma maman, hein, tu es quelqu'un qui a un cellulaire, ou tu sais, qui était toujours en train de vouloir connecter avec sa maman. C'est peut-être ça que ça voulait dire. C'est un fils à maman, finalement. Fils à maman. OK? Aussi, il y a un autre nom qu'il lui a donné dans un des manuscrits grecs, qui n'est pas le manuscrit qu'on utilise pour nos Bibles, qui était Lébé. Lébé. C'est un autre nom qui a été donné à Jude, que vous ne retrouverez pas dans la Bible, mais dans certains manuscrits grecs. Et Lébé, ça veut dire un peu la même chose, enfant de cœur. Enfant de cœur. Quelqu'un très tendre, généreux, qui aime, qui est courageux de cette façon-là. Enfant de cœur. Alors voilà. Voilà. Il y a une référence où on nous parle de Thaddée, c'est dans Jean 14. Jean 14, je vous le lis, Jean 14. Simplement, Jude, non pas l'Iscariot, lui dit, « Seigneur, comment se fait-il que tu doives te manifester à nous et non au monde? » C'est le seul apport de notre ami Thaddée. Une question à Jésus dans Jean 14. Comment ça se fait que tu te réfères, que tu te représentes à nous, mais pas au monde? Ça ressemble à nos questions, ça. Ben, Jésus, pourquoi tu m'as parlé à moi? Pourquoi tu nous as parlé? Pourquoi on est 8, Seigneur, dans une ville de 3,5 millions? Pourquoi? Thaddée disait la même chose. Mais pourquoi? Pourquoi tu n'es pas allé dire? Et c'est ce qu'on voyait, c'est qu'à ce moment-là, il s'attendait, on va voir dans un instant avec le zélé, le cananite, le zélo, que... On s'attend à ce que le salut de Jésus vienne se débarrasser des Romains, vienne se débarrasser de toutes les fausses fois et remplir les églises montréalaises. On s'attend que Jésus, c'est un conquérant. I claim! Je vais remplir ça! On n'a pas compris, on n'a rien compris. Et Thaddée n'avait rien compris non plus. Mais pourquoi tu n'as pas... Et finalement, ce que Thaddée aurait voulu faire, c'est que Jésus aille à Rome voir les Césars. Thaddée aurait voulu que Jésus aille voir les dirigeants au gouvernement et dire à c'est quoi nos dirigeants actuels, Bush aux États-Unis, tous ces présidents mondiaux, repentez-vous, parce que Jésus est là. C'est ça que Thaddée aurait voulu. Alors, c'est vraiment pas comprendre que Jésus vient pour toucher des gens comme Thaddée. Thaddée, c'est toi qui vas aller voir les gens. C'est toi, c'est vous qui vous allez aller à Montréal, c'est vous qui va avoir un impact. Oh, mais c'est tellement plus long, Seigneur. C'est tellement plus long. C'est que Dieu veut nous bâtir, nous, dans le processus. C'est que, dans le fond, le but ultime de Christ, c'est pas que soudainement toutes les villes du monde sont chrétiennes. C'est que chacun de nous, par la souffrance, et dans le cas des apôtres, par la mort, puisse devenir des témoignages de la foi chrétienne. Donc, Thaddée n'avait rien compris. Jésus, très tendrement, encore une fois, explique. Mais non. Et puis, vous pouvez lire la réponse. Je suis venu simplement pour que vous m'aimez moi et vous aimez mon Père. C'est simple. C'est simple, c'est simple. Alors, ça, c'est Thaddée qui se dit, pourquoi tu n'es pas allé parler aux gens? Pourquoi tu parles à des personnes insignifiantes comme nous? Hein, on se pose la même question. La tradition et la mort de Thaddée, elle nous dit simplement que Thaddée avait le don de la guérison. Le don de la guérison, c'est intéressant, on nous dit de la tradition, qui, écoutez ça, il serait allé en Syrie et qu'il aurait guéri le roi de la Syrie. C'est intéressant parce que Thaddée lui-même avait dit, mais pourquoi Jésus n'est pas allé voir les rois, les grands dirigeants? Thaddée lui-même, nous dit la tradition, s'est retrouvé à guérir le roi de la Syrie. Alors voilà. Et écoutez-moi bien, écoutez bien le neveu du roi en question, étant lui-même un non-croyant très ancré dans sa non-croyance, a fait matraquer à mort Thaddée à coups de bâton. Alors, Thaddée est utilisé pour guérir le père, le neveu, lui, vient et fait matraquer Thaddée à mort, et on dit bien que la matraque, le bâton, est devenu le symbole de Thaddée. C'est intéressant. La matraque est devenue le symbole de Thaddée. Alors voilà, ça c'est la tradition. Des fois on se demande, matraque, symbole, on se dit, mais c'est ce que ça dit. Alors voilà. Ça c'est Thaddée. Et aujourd'hui on termine avec Simon le Cananite. Simon le Cananite. Alors un peu plus tard dans Marc, juste avant Judas l'Iscariot, on nous parle de Simon le Cananite. Tout à l'heure j'ai utilisé le mot zélote ou zélé au lieu du mot cananite parce que cananite c'est une mauvaise traduction. D'ailleurs dans le Old King James, on utilise le mot « Canaanite » aussi, qui est une traduction inadéquate du mot « Cananaios », qui veut dire « zélé ». Alors, quand on dit « Canaanite », qu'est-ce que ça veut nous dire? Ça ne nous dit rien. Donc, dans les versions plus modernes, on utilise le mot « zealot », « zélé » ou le « zélote ». Le « zélote », c'était un groupe politique du temps, un peu comme le FLQ. Hein, si je peux vous toucher, le FLQ, qui était ce Front de libération du Québec, était un groupe, oh, nous on veut ça. Alors, les zélés du temps, des zélotes zélés, ça veut dire la même chose, c'était un groupe radical du temps de Jésus qui voulait renverser les Romains. Bon, ça me semble bien jusqu'à maintenant. Durant le temps des Maccabées, et quand vous lisez la Bible catholique, il y a un et deux Maccabées dans les 12 livres qui sont rajoutés à la Bible catholique. On nous parle d'un homme qui s'appelait aussi Jude, un autre Jude, voilà, bon nom, ou Judas. Jude ou Judas, ça dépend évidemment de la façon et la langue qu'on utilise. Et c'était leur leader, c'était le leader zélé, zélote. C'était comme une guérilla. Ils avaient une guérilla presque terroriste, très similaire au groupe actuel. Et ils allaient et ils assassinaient certains individus. On les appelait d'ailleurs les sicarii en latin, qui voulait dire homme au poignard. Alors, on s'imagine que dans le noir, pas clair, ils devaient assassiner les gens en charge du gouvernement romain dans le but de renverser ça. Alors, Jésus choisit un zélote. Si je peux utiliser une expression québécoise, il est-tu malade? Tu prends finalement un gars du FLQ pour venir dans ton église pour prêcher l'évangile, mais oui, mais il va être complètement malade, il va être enragé, il va... Ce n'était pas une bonne idée. On ne prend pas des risques comme ça avec un gars qui, peut-être lui-même, peut-être que même que Simon avait son poignard toujours au cas où il rencontrait un centurion, un tatelard, il aurait pu devenir très, très, très anxieux, très, très violent. Le groupe des zélotes aussi, c'est le groupe qui s'est retrouvé à Massada en 72, après Jésus-Christ. En 72, quand il y a eu les Romains qui sont venus attaquer cet incroyable endroit de défense. Et après 7 mois, les Romains ont remporté le combat. Et suite à ça, les zélotes ont disparu de la carte. Ils ont disparu à ce moment-là. Leur groupe était dissous. Donc, un zélote, passionné, intense, violent. Jésus, arrête, fonce. C'est incroyable. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Judas, ou Judas l'Iscariot, et le zélote Simon sont toujours côte à côte dans la parole. Pourquoi? Serait-il possible parce que tous les deux, ils voyaient la venue du Messie de façon de façon plus tangible, de façon matérielle. De façon matérielle. Mais plus tard, on voit que Simon et Judas se séparent. Évidemment, Judas choisit de pécher. On va en parler la semaine prochaine pendant tout un enseignement. Judas choisit la mort, choisit l'orgueil, alors que Simon, lui, il est redeemed, comme on voit ici sur le banc, racheté de sa colère, de sa violence. Il est racheté pour servir Dieu. Il est racheté. Alors, on voit que Jésus est prêt à prendre des risques. Est-ce qu'il a pris un risque en vous choisissant vous? Je peux vous dire qu'il a pris un risque en me choisissant moi. En me mettant ici, dans une église où il y a eu des prêcheurs depuis 92 ans, il a risqué en choisissant mon pasteur à Albuquerque, il a risqué en choisissant la plupart des hommes qui le servent, c'est des grands risques. Sauf peut-être quelques-uns qui, ils étaient parfaits pour le travail de Dieu. Le reste de nous, aïe aïe aïe, on ne mérite rien et on a très peu à offrir à Dieu. Et pourtant, il risque. Et il nous prend, et il sait qu'un jour, on peut peut-être sortir notre petit poignard, puis on va essayer, mais il sait que le but dans notre vie, c'est d'être racheté. Alors, il a racheté Simon le Zélé. Ce qui est intéressant, c'est de voir Simon et Matthieu côte à côte. Matthieu qui, lui, s'était vendu aux Romains, qui s'était donné aux Romains, qui était prêt à servir les Romains, alors que Simon était prêt à les tuer en masse et à se débarrasser. Il met ces deux-là ensemble, pourquoi? Parce que c'est nous, c'est l'Église. On est un petit groupe, mais plus l'Église grandit, plus on se voit côte à côte. J'ai rien en commun avec toi. J'allais dans une église de 15 000 personnes avec des gens, comme je vous ai dit, avec des cheveux comme ça, des gens en cravate, des gens avec des doctorats et d'autres qui avaient à peine fini leur secondaire, mais côte à côte en Christ. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il met des gens qui, naturellement, saillaient? Parce que il veut nous montrer c'est quoi le royaume de Dieu. Il veut nous donner juste une petite idée qu'on est supposé être unis. On est supposé être unis, peu importe nos différences majeures les unes des autres. Évidemment, le verset qui nous parle de ça, et on termine notre enseignement dans Colosse 3.11, une petite lettre dans le Colossiens, 3.11, petite lettre du Nouveau Testament, qui a à peu près 4 livres à votre droite. Colossiens 3.11. Et on connaît tous ce passage-là, mais ça prend tout un autre sens. Colossiens 3.11. Il n'y a là ni grec ni juif, ni circoncis ni incirconcis, ni barbare ni scythe, ni esclave ni libre, mais Christ est tout et en tous. Colossiens 3.11. Même avec ses apôtres, Jésus voulait nous montrer cela. Que les gens qui auraient dû saillir, qui auraient dû se garrocher à la gorge, et peut-être qu'ils l'ont fait quand Jésus avait le dos tourné, ils ont dû en avoir des discussions politiques. Mais Dieu nous amène ensemble pour une cause commune, d'être là jusqu'à la fin, lorsque Christ sera crucifié, lorsque on rencontrera les plus grandes souffrances, on sera unis par la foi chrétienne. C'est merveilleux, c'est tellement unifiant. Tu penses à une ville comme Montréal, qui est tellement déchiré de toutes sortes de façons, par l'anglais, le français, par la politique fédérale, provinciale, déchiré. Tu mets Christ là-dedans, ça guérit. Hein? Alors, premièrement, faisons ça dans nos propres familles, avec ceux qu'on aime, avec nos maris, nos femmes, avec nos enfants, nos sœurs, nos mères, nos frères. Aimez-les. Moi, mais ils sont différents. Ouais, mais même pas. Ouais, il n'est pas correct. Oh, il est dur. C'est pas grave. Dieu cherche l'unité. Christ veut effacer ces frontières-là. Alors, mes frères et sœurs, soyez bénis. Soyez encouragés que les hommes et les femmes qui sont passés devant, avant vous, n'ont rien à vous montrer de plus merveilleux qu'ils ont choisi de croire en Christ jusqu'à la fin. C'est tout. Qu'ils avaient quelque chose de merveilleux, non? Ils ont choisi de choisir Christ. Doutez vos doutes avant de douter vos croyances. Et marchez, unissez-vous les uns avec les autres. Que Dieu vous bénisse. Prions. Seigneur Jésus, merci pour ta parole, pour ces hommes qui nous ont précédés et qui nous montrent simplement comment tu rachètes la vie des hommes. Tu rachètes ceux qui sont tout croches Et tu veux faire de nous des agents de ta réconciliation, des agents de paix dans notre ville, dans nos familles, dans les groupes dans lesquels nous nous retrouvons. Nous t'aimons, Seigneur. Merci pour cet édifice, pour cet endroit. Puissions-nous nous-mêmes, Calvary Chapel Régénération, être un agent d'unité dans cet édifice, avec les autres églises, avec les gens que l'on va côtoyer. Utilise-nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen.